À l'occasion des 56 ans du commencement de la direction de la révolution fondée sur l'idée de Sun Gun par le général Kim Jong-il, l'Institut d'amitié et culturelle péruvien-coréen a inséré le 17 août dans son page d'internet un écrit titré « La journée de Sun Gun de la Corée ». Par ailleurs, à la même occasion, l'agence de presse d'internet russe Yelfei DUE a présenté les exploits de la révolution de Sun Gun du général Kim Jong-il.